Cet après-midi, dans le grand auditorium du CERN à Genève, Samuel Ting a présenté les nouveaux résultats de l'expérience AMS-2, ce gros détecteur de particules et antiparticules installé en orbite sur l'ISS. Et on pouvait le suivre en webcast, en direct. Les premiers résultats avaient été présentés au mois d'avril 2013 et nous nous en étions fait l'écho ici même. Ces nouveaux résultats qui viennent d'être présentés donc et publiés dans la foulée dans Physical Review Letters sont très intéressants. Bien évidemment, aucune découverte majeure n'a été annoncée par le prix Nobel 1976, non. Mais une petite découverte qui montre un phénomène vraiment, vraiment intéressant. AMS-2 détecte des rayons cosmiques de très haute énergie, hein, majoritairement des électrons et leurs antiparticules, les positrons. Mais aussi des protons, des antiprotons et autres petits noyaux chargés. Le paramètre clé pour ce qui nous concerne, hein, nous qui nous intéressons à la matière noire, est ce que l'on nomme la fraction de positrons. Il s'agit du nombre de positrons détectés par rapport au nombre d'électrons plus positrons. C'est un paramètre clé car si la fraction de positrons, qui est toujours très inférieure à 0,5, si elle augmente en fonction de leur énergie, c'est potentiellement un signe de l'existence de matière noire sous forme de particules massives. Très massives pour le coup. Et c'est justement ce qui était vu en 2013, confirmant des résultats d'autres expériences antérieures mais beaucoup moins précises. Les résultats présentés cet après-midi à Genève non seulement confirment les résultats de 2013, mais les affinent en y apportant plus de précision. Sur les 54 milliards de particules détectées par AMS depuis sa mise en service en 2011, 46 milliards ont pu être analysés, parmi lesquels ont été isolés 10,9 millions d'électrons et positrons. On n'en avait que 6,8 millions en avril 2013. Et grâce à ce nombre beaucoup plus important de particules, la valeur de la fraction de positrons, en fonction de l'énergie, peut être tracée avec beaucoup plus de précision. Et voilà cette petite découverte majeure dans les données en fait. On peut aujourd'hui affirmer avec certitude que la courbe commence à baisser. Ah oui, le genre de choses qui en ferait rêver plus d'un du côté de l'Élysée, hein, certes. Oui, on peut donc affirmer que la fraction de positrons commence à décroître à partir d'une énergie de 275 GeV. Alors, pourquoi est-ce si important ? Parce que le modèle décrivant des neutralinos de plusieurs centaines de GeV indique que ces particules de matière noire peuvent s'annihiler entre elles en produisant justement un excès de positrons, comme ce qui semble être observé par AMS-2. Et le modèle prédit justement que la fraction de positrons doit croître lentement en fonction de l'énergie, sans sauts brutaux, exactement ce qui est observé pour l'instant. Et cette fraction de positrons doit ensuite brutalement chuter au niveau de l'énergie correspondant à la masse du neutralino. Il faut donc qu'à partir d'une certaine énergie, la fraction de positrons commence à décroître, puis elle devrait ensuite chuter, si tout va bien. Mais le problème, c'est que plus les particules détectées sont énergétiques, et moins il y en a. C'est donc un long cheminement pour produire ces mesures de précision. La courbe de la fraction de positrons en fonction de l'énergie doit être patiemment construite en engrangeant toujours plus de particules. Il se peut aussi que la courbe décroisse lentement après ce sommet à 275 GeV, au lieu de chuter brutalement. Et dans ce cas, cela voudrait dire que cet excès n'est pas dû à des annihilations de neutralinos. Ces positrons pourraient aussi être produits par une source astrophysique comme des pulsars. Mais cette solution n'est tout de même pas très privilégiée, car les positrons, dans ce cas, devraient avoir une distribution assez anisotrope, c'est-à-dire venant de directions privilégiées. Ce qui n'est pas du tout observé, au contraire, les positrons de AMS semblent très isotropes, ce qui est aussi en faveur de l'explication de type matière noire, une annihilation de neutralinos de plusieurs centaines de GeV. Au rythme actuel de détection par AMS-2, la courbe de fraction de positrons pourra peut-être arriver à sa chute providentielle dans moins de 10 ans, peut-être 5. Ou jamais. En tout cas, c'est absolument passionnant. Le papier relatant les nouveaux résultats de AMS 2 donc sont parus dans Physical Review Letters aujourd'hui. Et il s'appelle High Statistics Measurement of the Positron Fraction in Primary Cosmic Rays of 0,5 to 500 GeV with the Alpha Magnetic Spectrometer on the International Space Station, évidemment.